Chapitre 102. Ce que dit l'invité en état de jeûne en présence d'un repas auquel il ne touche pas. 738. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas, qu'il accepte l'invitation. S'il jeûne, qu'il invoque Allah en faveur de ses hôtes, et s'il ne jeûne pas, qu'il mange. Muslim.